بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 12 dans la lecture du livre de Cheikh Abdussalam ibn Burgis رحمه الله. الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. Et le titre du sujet dont on va parler aujourd'hui par rapport aux causes, الأسباب المؤدية إلى الخروج عن الجماعة, les causes qui amènent les gens à sortir de la jama'a. Cette cause qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est une cause qui est très importante. Et c'est la suivante: مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. C'est-à-dire la contradiction de la religion, de la révélation, dans la manière d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc on sait que dans la sunna, il y a une façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée pour ordonner le bien et pour interdire le mal. C'est-à-dire qu'on n'ordonne pas le bien de n'importe quelle manière. Et on n'interdit pas le mal de n'importe quelle manière. Il faut tenir compte de certains points. Il faut tenir compte de certaines règles. Et parfois, des gens, par exemple, ils s'imaginent qu'ils sont en train d'ordonner le bien ou qu'ils sont en train d'interdire le mal. Et ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de diminuer le bien et qu'ils sont en train d'augmenter le mal. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut tenir compte de certains points, de certains éléments par rapport à ça. Et les ulama, pour résumer un peu, qu'est-ce que les ulama disent là-dessus en général, c'est par rapport à al-masalih ou al-mafasid. Al-masalih ou al-mafasid. Les bienfaits et les méfaits qui peuvent découler du fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, comme par exemple, ils disent, lorsqu'on ordonne le bien et lorsqu'on interdit le mal, il peut y avoir trois situations. La première situation, c'est que tu vas ordonner le bien et interdire le mal. Lorsque tu vois quelque chose qui est mal, tu vas le changer, ça va l'éliminer complètement. Ça veut dire que ça va éliminer le mal complètement. Alors dans ce cas-là, c'est obligatoire de le faire. Et bien entendu, selon les règles. Et lorsque tu vas, un autre cas, c'est lorsque tu vas ordonner le bien et interdire le mal. Lorsqu'il y a un mal qui est présent, tu veux l'interdire, sauf que en l'interdisant, tu vas seulement amener quelque chose d'équivalent. Tu ne vas pas l'éliminer complètement, mais tu vas le diminuer. Tu vas le diminuer, ou bien tu vas amener quelque chose qui est égal. Alors, dans ce cas-là, si tu vas le diminuer, dans ce cas-là, c'est bien de le faire. Si tu vas ramener quelque chose qui est équivalent, dans ce cas-là, si tu le changes ou tu ne le changes pas, les deux, ça va ramener un résultat pareil. Puisque le mal va être toujours présent et ça va être un mal égal. Tandis que si tu vas interdire le mal et que ça va ramener un mal qui est plus grand que le mal que tu veux interdire, alors dans ce cas-là, c'est interdit de l'interdire. Et ça, c'est des points, des fois, les gens ils tiennent pas compte de ça. Et puis, ils s'imaginent que l'important, c'est d'interdire le bien, d'interdire le mal. Et il y en a parmi les gens de Bid'a, comme les Khawarij et les Mu'tazila, qui ont inclus dans la signification de al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar le fait de se rebeller et de se révolter contre les dirigeants. Donc ils ne réalisent pas que cette chose-là est en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et contraire à la voie des salafs. Donc eux, ils disent, nous, quand on voit du mal de la part du dirigeant et qu'il fait un péché ou qu'il fait des choses qui ne sont pas correctes, eh bien nous, on condamne ça publiquement et ouvertement et on va même des fois appelé à la rébellion et à la révolte contre ce dirigeant-là à cause de ça. Donc, il rentre ça dans l'amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. D'accord? Donc, on va voir qu'est-ce que les salafs ont dit là-dessus et qu'est-ce que les ulama ont clarifié à ce sujet-là et la façon comment on doit faire la nasiha et l'ordre d'ordonner le bien, de donner le bon conseil au dirigeant. Comment ça doit se faire envers le dirigeant? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des règles spéciales? Donc le cheikh il dit al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar aslun min usul ad-din awjaba Allah ta'ala 'ala al-ummati al-muhammadiyyati al-qiyam bihi وأنه سر خيريتها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرعه الله تعالى فلا يقام به إلا على الوجه الذي يريده الله تعالى منا. فإذا قام قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير الوجه الذي يحبه الله فإن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في زعمه منكر يجب إزالته، لأنه افتيات على الشرع وتحميل لدين الله تعالى، ما الدين منه بريء. Donc ici le cheikh il explique comme introduction le fait que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal c'est un des fondements parmi les fondements de la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu obligatoire pour la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la umma a la responsabilité d'établir cette obligation-là. Et il a clarifié également que c'est le secret de la supériorité de cette umma. C'est-à-dire que cette umma, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ». Vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Mais le secret de cette khayriya, le secret du fait que cette umma est la meilleure des ummas, la meilleure des nations, c'est le fait qu'elle établisse cette obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ». Mais après, il faut lire la suite « Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah ». Donc ça veut dire que c'est pas juste de façon générale qu'on est la meilleure umma, peu importe qu'est-ce qu'on fait et peu importe qu'est-ce qu'on fait pas. Non, on est seulement la meilleure umma à condition d'établir l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des secrets dans ce critère. C'est le critère qui détermine que cette umma est la meilleure ou non. Et le cheikh, il explique que donc l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal, Allah l'a légiféré. Et donc, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a légiféré, eh bien, il faut absolument le faire de la manière que Allah le veut de nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de le faire comme ça nous tente ou selon nos passions et nos désirs. Non, il faut l'exécuter et l'établir de la manière que Allah l'a voulu de notre part. Parce que si on le fait d'une façon qui est contraire à ce que Allah aime, eh bien, au lieu d'établir l'ordre d'Allah, on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il dit, si quelqu'un commence à établir l'ordre du bien et l'interdiction du mal, et il met ce principe-là en application, mais qu'il le fait d'une manière qui est contraire à ce que Allah aime, alors dans ce cas-là, son ordonnance du bien et son interdiction du mal devient un mal, devient un péché. Et il est obligatoire d'éliminer cette ordonnance du bien et cette interdiction du mal qui est corrompue en réalité, parce que c'est comme si la personne elle essaie de se mettre à la place de la religion ou d'imposer quelque chose qui est contraire à la religion et de le faire passer sur le dos de la religion et de faire dire à la religion d'Allah ce que la religion d'Allah n'a jamais dit. Et le cheikh, il explique ici, il dit que « Akhraj al-Ajurri fi al-Sharia anil mu'alla ibn Ziyadin qal qila lil-Hasan ya Aba Sa'id خرج خارجي بالخريبة موضع بالبصرة فقال الحسن المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. Donc l'imam al-Ajurri dans son livre al-Sharia, et l'imam al-Ajurri fait partie des imams, parmi les imams des salafs, des ulama, des ahlus sunnah, et il a écrit ce livre qui s'appelle al-Sharia. Et dans ce livre-là, il défend la aqidah d'ahlus sunnah et il réfute les différentes positions des gens de Bid'a sur les différentes questions qui ont rapport avec les fondements du manhaj des salafs. Et donc ici, par exemple, il mentionne que quelqu'un, Al-Mu'alla ibn Ziyad, il a dit à Al-Hassan, Et ici, je crois bien qu'il s'agit de Al-Hassan al-Basri, hein, qu'il a dit, oh Abu Saïd, il y a un Khariji qui est sorti dans une ville qui s'appelle Al-Khuraïba. Hein, il s'est rebellé contre le dirigeant. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu Al-Hassan? Il a dit, Al-Miskin, hein, ce gars-là, cette personne, c'est un miskin, c'est un misérable. Hein. Il a vu un mal et il a voulu condamner ce mal. Hein, il a vu le dirigeant qui a fait quelque chose de mal, il a voulu condamner ce mal en se rebellant ou en se révoltant contre son dirigeant, et il est tombé dans ce qui est encore plus mauvais encore. Il est tombé dans ce qui est encore plus mauvais que ce qu'il voulait interdire. Ensuite, le cheikh, il dit, « Wa akhraj al-Bayhaqi fil jami' li shu'ab al-iman an Abi al-Bakhtari an Hudayfa annahu qila lahu ala ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? » قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن لكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. Hein? Donc il dit ici que l'imam al-Bayhaqi dans al-Jami' li Shu'ab al-Iman, il dit selon Abu al-Bukhtari, selon Hudayfa, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que on lui a dit: est-ce que toi tu n'ordonnes pas le bien et tu n'interdis pas le mal? Alors Hudayfa a répondu, il a dit, ordonner le bien et interdire le mal, hein, ça c'est quelque chose qui est bon, hein, la Hassan. Il dit, mais ça ne fait pas partie de la sunna de lever une arme contre ton dirigeant, de soulever une arme contre ton dirigeant. Ensuite il dit, wa akhraja Abd al-Razzaq fil Musannaf. وابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيهقي في الشعب عن طاووس رحمه الله قال أتى رجل ابن عباس فقال ألا أقدم على هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال لا، يكون لك فتنة. يفسر هذا الأثر ما رواه سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس قلت أميري آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال إن خشيت أن يقتلك فلا، إن خشيت أن يقتلك فلا. Donc ici le cheikh il explique que يعني عبد الرزاق l'imam عبد الرزاق الصنعاني un des شيوخ de l'imam Ahmed, il a écrit dans son livre qui s'appelle Al-Musannaf. De même que l'imam Ibn Abi Shayba, dans son livre Al-Musannaf aussi, il a dit, selon, et ainsi que Ibn Abi Dunya, dans le livre qu'il a intitulé Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar, de même que l'imam Al-Bayhaqi, dans son livre Al-Shu'ab, il dit selon Taous qui est un des tabi'in, un des élèves des Sahaba, l'imam Taous Ibn Kaysan, il dit, un homme est venu voir Ibn Abbas et lui a dit, n'est-ce pas que je devrais aller vers le dirigeant et lui ordonner ou lui interdire? Il a dit, non. Hein? Abdullah Ibn Abbas lui a dit, non, ce sera pour toi une fitna. Ce sera pour toi une fitna, une épreuve pour toi. Hein? Et il dit que cette parole, elle est interprétée dans ce que Saïd ibn Jubayr a rapporté de Abdullah ibn Abbas. Il a posé la question à Abdullah ibn Abbas. Il lui a dit, mon dirigeant ou mon gouverneur, est-ce que je dois lui ordonner le bien et lui interdire le mal? Abdullah ibn Abbas a répondu, il a dit, si tu as peur qu'il te tue, alors non. Si tu as peur qu'il te tue lorsque tu lui ordonnes le bien ou que tu lui interdis le mal, alors dans ce cas-là, non, fais-le pas. Hein? Parce que tu vas pas aller vers la fitna. Hein? Il dit ensuite, ça c'est rapporté, cette dernière citation, hein, de Saïd ibn Jubayr, il dit, ça c'est rapporté par Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf et Ibn Abi Dunya dans Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'an al-Munkar et également Hanbal ibn Ishaq dans le livre de l'épreuve de l'imam Ahmad, Mihnatul Imam Ahmad. Ainsi que Al-Bayhaqi dans Al-Shu'ab aussi l'a rapporté. Il dit, وَفِي لَفْظٍ لِلْبَيْهَقِي قُلْتُ لِبْنِ عَبَّاسٍ أَمُرُ إِمَامِي بِالْمَعْرُوفِ قَالَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا فَإِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَفِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَلَا تَغْتَبْ إِمَامَكَ. فَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَلَا تَغْدَبْ إِمَامَكَ. Donc il dit ici dans une autre narration qui est rapportée par Al-Bayhaqi, il a dit à Abdullah ibn Abbas, c'est-à-dire à Saïd ibn Jubayr, il dit à Abdullah ibn Abbas, est-ce que j'ordonne à mon dirigeant de faire le bien? Il a dit, si tu as peur qu'il te tue, alors non, mais si tu dois le faire, alors fais en sorte que ce soit entre toi et lui seulement, c'est-à-dire en privé, et ne parle pas dans le dos de ton dirigeant. La tartab imamak. Donc ici le cheikh il dit, فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن منضبطا بالضوابط الشرعية المنصوصة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح فإنه وبال على الأمة وباب فتنة على القائم به وعلى جماعة المسلمين. Donc il dit le cheikh que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, si ce n'est pas réglé par les principes de la charia et limité par les principes de la charia qui ont été établis dans les textes du Coran et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et ce qui a été rapporté de la part des salafus salih, alors ça va être un malheur pour la umma et une épreuve pour celui qui le fait et une épreuve également sur les musulmans, la population des musulmans en général. Et il dit ولما انطلق الخوارج والمعتزله في امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من منطلقات بدعيه بعيده عن نصوص الشريعه واثار الصحابه ومراعاه المصالح ودرء المفاسد نجم عن ذلك الفساد العريض والصدع الكبير في جسم الامه فصفكت الدماء وهتكت الأعراض ونبهت الأموال وقتل النساء والأطفال كل ذلك تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc le cheikh dit lorsque les khawarij et les mu'tazila ont rentré dans cette question de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, des aspects de la bid'a qui sont loin des textes de la sharia, comme le fait de se rebeller contre les dirigeants ou des choses comme ça, et qui sont loin également des textes et des narrations, des paroles des sahaba, et qui sont loin également du fait de tenir compte des bienfaits et de repousser les méfaits et tout ce qui peut être nuisible, eh bien on a vu apparaître comme conséquence de leur position et de leur attitude un grand désordre. Et il y a un grand problème dans le corps de la Ummah, une division, et le sang qui a été répandu, et l'honneur des hommes qui a été bafoué, et les biens qui ont été extirpés et volés des gens, on leur a enlevé leurs biens sans raison et sans preuve, et on a tué des femmes et des enfants et des innocents sans raison. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et le cheikh dit tout ça sous le nom de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Naam. Il y a les khawarij qui se rebellent avec les armes. Il y a un autre mot qui... Al-Qa'adiyya, ce sont des khawarij qui, eux, ils ne prennent pas les armes, mais ils se limitent uniquement à insulter le dirigeant, à parler contre lui en public ou bien à inciter les autres à le faire. Al-Qa'adiyya, ça s'écrit Qaf, Ayn, Dal, Ya, Tamarbouta. Al-Khawarij al-Qa'adiyya. Qaf, Ayn, Dal, Ya, et Tamarbouta. القاعدية الخوارج القاعدية يعني لا يستعملون السلاح ولا يخرجون مباشرة بأنفسهم لا يخرجون على السلطان ولكن يشجعون الآخرين على فعله ويتكلمون ضد الحاكم. نعم. Ou bien ils insultent, ou bien ils incitent les autres à se rebeller. mais eux ils le font pas, hein? Donc même il y a des ulama qui ont dit ceux-là c'est les pires parmi les Khawarij, c'est les pires, hein? Et parmi ces qaadiyya, il y a ce qu'on appelle les ibadiyya, al-Khawarij al-ibadiyya. Ils font partie de cette catégorie-là, eux. Après, le cheikh, il dit « وَقَدْ كَتَبَ رَأْسُ الْمُعْتَزِلَةِ عَمْرُ بْنُ عُبَيْدٍ إِلَى الْإِمَامِ بْنُ شِبْرِمَةِ ابْنُ شِبْرِمَةِ وَيَحُثُّهُ عَلَى الْجِهَادِ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكتب إليه ابن شبرمة الأمر يا عمر بالمعروف نافلة والقائمون به لله أنصار يعني إلا يكري أن بويزي الأمر يا عمر بالمعروف نافلة والقائمون به لله أنصار والتاركون له عجزا له عذر واللائمون لهم يا عمرو يا عمرو أشرار الأمر والنهي لا بالسيف يشهره على الخليفة إن القتل إضرار. Donc ça c'est la réponse de Ibn Shibrima à Amr ibn Ubayd, la tête, une des têtes des Mu'tazila. Il lui dit, sache que, ô Amr, l'ordonnance du bien, c'est une nafila. C'est-à-dire, ça ne fait pas partie des choses qui sont obligatoires. C'est quelque chose qui est recommandé. Et ceux qui le font sont des défenseurs d'Allah. Défendent la cause d'Allah. Qu'est-ce qu'il veut dire par le fait que c'est une nafila? Comme les ulama l'ont expliqué, c'est que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, c'est fard kifaya. S'il y a une partie des musulmans qui l'ont établi, alors, c'est recommandé pour le reste. Ce n'est plus obligatoire pour le reste. Donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est une nafila. Wallahu a'lam. Après, il dit, وَالتَّارِكُونَ لَهُ عَجْزًا لَهُمْ عُذْرٌ. C'est-à-dire, si quelqu'un, il délaisse l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal parce qu'il a une excuse valable, alors il est excusé s'il est incapable de le faire. Si quelqu'un, par exemple, il est incapable d'ordonner le bien ou d'interdire le mal, il est excusé de le faire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, « Man ra'a minkum munkaran fal yuhayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adha'fu l'iman. » C'est-à-dire celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il est incapable, il a une excuse. Alors, il le changera par sa langue. Hein? Et s'il est incapable, encore là, il a une excuse. Alors il va le changer par son cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi parce qu'il n'y a pas d'excuse pour celui qui ne fait pas l'incar avec son cœur. Parce que personne ne peut t'empêcher de condamner quelque chose par ton cœur. Donc il n'y a pas d'excuse ici. Tu ne peux pas dire, oh, j'étais pas capable. Hein? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, c'est le minimum de la foi. Et dans un autre hadith, il dit, laysa wara'a dhalika min al-iman habbatu khardal. Il dit, après ça, il n'y a même pas le poids d'une graine de moutarde de foi. Hein? Après, il dit, « وَاللَّائِمُونَ لَهُمْ يَا عَمْرُ أَشْرَارُ » Ceux qui blâment, ceux qui n'ordonnent pas le bien, qui n'interdisent pas le mal, alors qu'ils sont incapables, c'est déjà mauvais. Hein? Quelqu'un, il est incapable de le faire, puis toi, tu le blâmes, alors qu'il est incapable. Alors ça, ça veut dire que tu fais partie des gens qui sont mauvais. Et il dit وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لَا بِالسَّيْفِ يَشْهَرُهُ عَلَى الْخَلِيفَ. C'est-à-dire que l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal, c'est pas en levant l'épée contre le khalifa ou le dirigeant. إِنَّ الْقَتْلَ إِضْرَارُ. Le fait de tuer, c'est un mal. Hein? Et ça, c'est rapporté par Ibn Abi Dunya dans son livre أَلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. Après, il dit le cheikh, واسمع إلى تقرير بديع لابن خلدون في مقدمته الشهيرة يشرح فيه هذا الأمر قال من هذا الباب يعني أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء فإن كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والمنكر عنه داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله فيكثر أتباعهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين إلى آخر الكلام انتهى كلامه. Donc ici, Cheikh, il cite les paroles de Ibn Khaldun dans sa Muqaddima, qui est célèbre en réalité. Beaucoup de gens connaissent, tout le monde connaît le Muqaddima Ibn Khaldun dans son livre. Et il dit dedans, en parlant de justement ce sujet de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, de la manière des Khawarij et des Mu'tazila qui se rebellent contre le dirigeant en prenant les armes. Et ce n'est pas seulement les Khawarij qui font ça, les Khawarij et les Mu'tazila aussi. Les Mu'tazila aussi font ça. Et pourtant, les Mu'tazila ne sont pas le même groupe que les Khawarij. Mais ils se réunissent sur cet aspect-là parce qu'ils ont ça en commun. Mais il y a beaucoup d'autres sectes qui ont ça en commun avec les Khawarij. Par exemple, ce qu'on appelle les Shia. Shia, Rafida, ils ont cette caractéristique-là parce qu'ils considèrent, par exemple, que le pouvoir politique, il appartient aux imams d'Ahlul Bayt et que les ulama et les sahaba ont volé ce droit-là aux descendants d'Ali, radiyallahu anhu. Donc, ils considèrent que tous les dirigeants qui sont au pouvoir depuis Abu Bakr, radiyallahu anhu, jusqu'aujourd'hui, sont des usurpateurs. Hein, du pouvoir. Ils considèrent qu'ils ne sont pas des dirigeants légitimes selon eux. Alors que, yani, ça c'est bâtil, c'est clair que c'est bâtil. Et yani, ensuite de ça, le cheikh, l'imam Ibn Khaldun, il dit, au min hadha al-bab, yani, dans ce sens-là, ceux qui appellent aspect de la religion, hein, qui ont une da'wa religieuse, hein, ils ont une propagande religieuse. Il dit, yani, la réalité de ceux qui sont des révoltes, qui appellent à la révolte ou à se rebeller contre les dirigeants, ils utilisent l'idée ou le principe de vouloir changer le mal, hein. Et on entend ça de la part des gens du commun et de la part de certains fuqaha. Il dit beaucoup d'entre ceux qui ont adopté le principe de l'adoration et de la bonne conduite dans les voies de la religion, on l'a vu même chez les soufis aussi, qui font ce genre de choses-là. Ils vont essayer de se rebeller contre les injustes parmi les dirigeants en disant que ça fait partie de changer le mal, d'interdire le mal et d'ordonner le bien en espérant la récompense d'Allah en faisant ça. Donc quand il se lève contre l'injustice, hein, eh bien toutes sortes de gens qui sont yani, des faibles d'esprit ou n'importe qui se mettent avec eux parce que c'est un genre de slogan qui est très rassembleur. Hein? C'est comme si quand quelqu'un il se lève debout puis il dit « Oui, il faut être contre l'injustice, il faut parler contre l'injustice, il faut se rebeller contre l'injustice. » Yani, c'est qui est-ce qui aime l'injustice? Personne. Donc tout le monde qui entend cette prétention-là, hein, il se lève pour... Hein, pour se rebeller contre l'injustice. Ils disent tout ça. Mais oui, parce qu'ils ont compris que ça, c'est quelque chose qui est rassembleur. Les plus grands injustes sont les premiers à dire qu'ils sont contre les injustices pour justement prendre le pouvoir de ceux qui sont au pouvoir, hein, pour se mettre à leur place. Puis une fois qu'ils ont pris le pouvoir et qu'ils ont enlevé les autres du pouvoir, ils commencent à faire eux aussi de l'injustice, même parfois pire, pire que l'injustice qui était là avant. Hein? Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est un jeu, hein, qu'ils peuvent utiliser ça pour manipuler les populations facilement. Exactement. Donc c'est pour ça que je te dis, franchement, c'est une ruse. Hein, c'est une ruse qu'ils utilisent. Moi, n'importe qui pourrait se lever puis dire ça, comme « Ah, il faut arrêter l'injustice ». Mais tu vois, dans tous les pays, même les pays démocrates, comme ici par exemple, il y a toujours un parti qui est au pouvoir et il y a toujours le parti de l'opposition. Et le parti de l'opposition, son travail, c'est quoi? C'est de toujours essayer de contredire ce que le parti au pouvoir décide de faire ou veut faire, en critiquant toutes leurs fautes et leurs erreurs et en appelant, soi-disant, à vouloir établir la justice et le droit et qu'est-ce qui est bien, et critiquer ceux qui sont au pouvoir en disant « Vous, vous ne faites pas comme il faut. Mais si nous, on serait à votre place, on ferait mieux. » Pourtant, quand ils sont élus dans les élections suivantes, eh bien, on constate qu'ils font soit ils font la même chose ou soit ils font pire. Mais c'est très rare qu'ils font mieux. Hein? Et les autres qui étaient au pouvoir, maintenant deviennent l'opposition et ils font la même chose que les premiers. Hein? Donc, ça finit plus. Et c'est comme ça que tu vois que hein, c'est comme la chaise musicale, on appelle, c'est un jeu, la chaise musicale. C'est ça. La chaise musicale, ça, c'est un jeu, là. On va dire s'il y a 5 personnes qui tournent et il y a 4 chaises. Hein? Quand la musique joue, tout le monde tourne. Et quand on arrête la musique, chacun doit s'asseoir. Puis celui qui n'a pas de chaise, il a perdu. Hein? Oui, c'est ça. C'est exactement. Gaspillage de temps, gaspillage d'argent. Donc, tout ça, le cheikh dit, ces gens-là, donc, les gens sont des démagogues. Hein? Les gens sont démagogues en général, c'est-à-dire... Ils veulent juste entendre ce qui leur fait plaisir. Hein? Ils veulent juste entendre ce qui leur fait plaisir. Donc, s'ils trouvent un dirigeant qui leur dit ce qu'ils veulent entendre, ils disent « Ouais, lui, il est bon, lui. Hein? Il est contre l'injustice. » Mais c'est facile de dire ça, on est contre l'injustice. Hein? Mais c'est pas aussi simple que ça. Et il dit « وَيُعَرِّضُونَ أَنفُسَهُمْ فِي ذَلِكَ لِلْمَهَالِكِ » Il dit, yani c'est comme s'ils se mettent en danger hein, en rentrant dans ce genre de révolte-là, parce que c'est certain que le dirigeant va s'opposer à ce genre de révolte-là, il ne va pas accepter ça. Donc, ça va créer quoi? Ça va créer des guerres, ça va créer des guerres civiles. Il y aura des gens qui vont être tués et qui vont mourir, et ça risque d'amener beaucoup de mal aux musulmans. Donc, au lieu d'être récompensés pour avoir fait quelque chose de bien en prétendant avoir ordonné le bien, interdit le mal, ils vont être punis pour ça, parce qu'ils ont ramené pour les musulmans de la tuerie, des malheurs et beaucoup de sang et beaucoup de mal qui découle de ça par la suite. Hein. Ensuite, le cheikh, il termine cette section-là ou ce point-là en disant والمتبع للكتاب والسنة والآثار يعلم أن الإنكار على الولاة يراعى فيه ما يلي أولا لا ينكر باليد ولا يشهر عليه الصلاح ثانيا أن تكون مناصحته سرا وثالثا أن يتلطف معه في الكلام فمتى التزم ذلك أثمر الأمر بالمعروف أو أثمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثمرته وبرئت عهدة الآمر ووافق شرع الله في أمره ونهيه. Donc par rapport au point de la dernier point que le cheikh il mentionne en fait certaines règles. Il dit que la personne qui veut suivre le Coran et la Sunna, lorsqu'il ordonne le bien et qu'il interdit le mal aux dirigeants, il devrait respecter certains points. Non. Il devrait respecter certains points et il mentionne le premier. S'il veut donner le conseil aux dirigeants, il devrait premièrement ne pas condamner ou vouloir changer le mal par la main. Et surtout ne pas prendre des armes pour le faire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'il a mentionné, c'est antakuna munasahatuhu sirran, que la nasiha que tu vas donner au dirigeant, le bon conseil que tu vas donner au dirigeant, ça devrait être fait en privé ou en secret ou de manière confidentielle et non pas publique. Hein? Et le hadith à ce sujet-là, qui est rapporté par At-Tabarani et rapporté également par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Zilal Al-Jannah, c'est le hadith suivant selon Iyad Ibn Ghanm. Il dit « An Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan, walakin ya'khudu biyadihi fayakhlu bihi, fa'in qabila minhu fadhaka, wa illa kana qad adda alladhi alayhi. » Donc le hadith, ça dit quoi? Ça dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui veut donner un nasiha, un bon conseil au dirigeant, alors qu'il ne lui donne pas publiquement, mais qu'il le prenne par la main et qu'il reste en privé avec lui et que yani, il lui donne la nasiha en privé. Il dit, s'il accepte sa nasiha, alors c'est ce qui est voulu. Mais s'il n'accepte pas, alors il a rempli son devoir. C'est-à-dire, il a fait ce qui est obligatoire pour lui. Et c'est ça qui est important pour lui devant Allah. Parce que à ce moment-là, il est, disons, devant Allah, il a bari'at dhimmatuhu. Il a rempli son devoir. Et la troisième règle que le cheikh il a mentionnée, c'est an yatalattaf ma'ahu fil kalam. C'est-à-dire que quand il va donner la nasiha au dirigeant, il doit lui donner la nasiha avec douceur et non pas avec avec dureté ou agressivité ou avec, comme on dit, quand quelqu'un il est impoli ou effronté. Hein? Non, il faut être respectueux. Et l'exemple de Moussa et Haroun avec Pharaon, ça c'est un bon exemple pour voir ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى. Donc, dites-lui une parole douce, une parole de douceur et non pas quelque chose d'agressif. Parce que le dirigeant, c'est un être humain comme tous les êtres humains. Et il a son orgueil comme tous les êtres humains. Et il a un shaitan comme tous les êtres humains. Si tu viens à lui avec ton arrogance et ton effronterie, eh bien, c'est clair qu'il ne va pas accepter ça. Et surtout que c'est lui qui a l'autorité. Tandis que toi, tu n'as pas d'autorité. Donc, tu ne peux pas agir de cette façon-là avec lui. Et le cheikh, il a rapporté quelques références, comme le livre « Mu'amalat al-Hukam fi Daw al-Kitabi wa Sunnah ». Ça, c'est un autre livre de Cheikh Abdussalam ibn Burgess qui détaille toutes les questions qui ont rapport avec ce sujet-là. Les droits du dirigeant et les droits des dirigés. Et les obligations des dirigeants et les obligations des dirigés. Et toutes les règles et les conditions et les hadiths sur ce sujet-là sont mentionnés dans ce livre. C'est un livre très, très bénéfique. On l'a déjà enseigné dans le passé. On l'a lu, c'était très très intéressant. Et maintenant, il y a un autre livre aussi qui est bon pour ce point-là. C'est un sujet qui est traité dans le livre Al-Adab al-Shar'iyya de l'imam Ibn Muflih al-Hambali. Et Ibn Muflih, il a parlé de ce sujet-là dans son livre Al-Adab al-Shar'iyya. C'est un très bon livre. Donc il dit, du moment que on a respecté les conditions qu'on vient de mentionner, les trois points qu'on vient de mentionner, de ne pas faire le inkar avec la main et surtout pas avec les armes, de le faire en privé et de le faire avec douceur. Si on respecte ça, eh bien, Inch'Allah, ça va produire des bons fruits et ça va avoir un effet positif. Et Inch'Allah, la personne qui a ordonné le bien et interdit le mal, il va être, yani, il aura rempli son devoir et son obligation et il aura été en accord avec qu'est-ce que Allah a légiféré dans la religion au sujet de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Donc c'est ça qui est voulu en réalité, c'est ça qu'on cherche. Ensuite, je regarde le temps aussi en même temps. Donc on a fini ce point-là sur la question de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Donc le cheikh, il n'a pas mentionné tous les points à ce sujet, parce que le but, c'est pas de détailler tout ce qui a rapport avec l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, mais de spécifier que ça peut être une cause. Et si quelqu'un veut plus de détails sur ce sujet-là, il y a d'autres livres qui en parlent plus en détail. Il y a l'autre point qui est mentionné, parmi les causes de ce qui amène, yani, parmi les causes de ce qui amène des gens à tomber dans la division de la jama'a et des choses comme ça, c'est ittiba' al-hawa. Ittiba' al-hawa, c'est-à-dire le fait de suivre les passions. Sauf que je pense que le mieux, c'est de s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis profiter du temps qui reste. On va faire le cours suivant, Inch'Allah, jusqu'au Maghreb, parce que je pense que sinon ça va être un peu lourd, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici, puis on continue la semaine prochaine pour la suite, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.